Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce journal du 29 juin dont voici le sommaire. Clôture ce jeudi de la visite de 3 jours au Burundi de l'envoyé spécial des Nations Unies. Son expérience dans la vie internationale lui servira de tremplin, a indiqué cet envoyé spécial à la presse. Et la présidence du Burundi promet une collaboration s'il marche dans les limites des lois burundaises et internationales. Dans ce journal, vous suivrez également la réaction de la plateforme de l'opposition Sénared. 36 employés de différents districts sanitaires ne sont plus autorisés de prester par le ministère burundais de la Santé publique. C'est suite aux faux diplômes qu'ils ont constatés. Et 12 bergers sont détenus au cachot de police judiciaire de Gihanga depuis ce mercredi. Ils ont été attrapés par des militaires basés dans la réserve naturelle de la Rukoko. Ils sont accusés d'y avoir conduit plus de 200 vaches. L'organisation LICOM demande l'arrêt de l'octroi du marché à la société Bicico pour la salubrité en mairie de Bujumbura en vue de suivre la procédure normale de l'octroi des marchés. Les détails, c'est dans ce journal présenté par Mireille Kanyange et la mise en onde est assurée par Jean de Dieu Ndaisenga. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour, page politique pour débuter ce journal. L'envoyé spécial des Nations Unies pour le Burundi a clôturé ce jeudi sa visite de 3 jours au Burundi sur une audience avec le président de la République du Burundi. À la sortie, Michel Kafando a indiqué qu'il se servira de son expérience dans la vie internationale et de hautes fonctions qu'il a occupées dans son pays pour trouver solution aux problèmes burundais. Ce diplomate compte aussi sur la collaboration du gouvernement burundais pour réussir à sa mission. Je vous prie de le suivre. Mais vous savez que la recherche de la paix, c'est un combat titanesque. C'est vrai, moi j'ai eu des prédécesseurs qui sont venus, qui ont fait ce qu'ils ont pu, qui ont terminé leur travail, dans certaines fois dans des conditions peut-être qui ont été assez difficiles. Chacun a fait son expérience. Je ne dis pas que moi j'ai une baguette magique, mais partout, je l'ai dit, je suis un diplomate. Je suis un soldat de la paix et là où je suis appelé pour apporter ma modeste contribution, je le fais au nom de l'Afrique. Donc la mission que j'ai acceptée certainement est difficile. J'essaierai d'apporter cette contribution, de déployer les efforts et mettre la volonté qu'il faut. Et je pense que dans toute chose, il faut le faire aussi en accord et en harmonie avec le pays que vous voulez servir. Je veux dire le pays, le Burundi. Moi, j'ai comme à tout simplement ma volonté et j'ai une détermination farouche à vraiment réussir la mission. Je compte aussi sur les autorités de ce pays pour que ensemble nous puissions faire avancer la cause burundaise, car avant tout, il s'agit du destin du peuple burundais. Et du côté du gouvernement burundais, il promet de collaborer avec le nouvel envoyé spécial des Nations Unies pour le Burundi si celui-ci accepte de marcher dans les limites des lois burundaises et internationales. Jean-Claude Karegwa, porte-parole du président de la République, souhaite ne pas voir Michel Kafando tomber dans le piège que ses prédécesseurs. On l'écoute, il répond aux questions de Joseph Nsabiabandi. J'aimerais souligner au demeurant qu'il a été accepté par le gouvernement du Burundi. Il a été nommé par le secrétaire général des Nations Unies pour être son représentant spécial chargé entre autres du Burundi. Le gouvernement du Burundi l'a accepté. Les raisons pour lesquelles le gouvernement du Burundi l'a accepté, c'est d'abord parce qu'ils ont la foi en lui au regard de son expérience, de ce qu'il a vécu lui-même. Nous estimons qu'il pourra faire mieux que ses prédécesseurs. Qu'est-ce que les prédécesseurs de Kafando ont fait que vous ne voulez pas voir Kafando faire? D'abord, ses prédécesseurs n'ont pas totalement échoué. Il y en a ce qu'ils ont fait de positif, mais à un certain moment, ils ont eu un penchant. Ils ont sorti des rapports calomniés à l'égard du Burundi. Ils ont exagéré des faits. Ils n'ont pas respecté les lois en vigueur au Burundi. Ils ont aussi passé outre certaines résolutions des Nations Unies en voulant associer, par exemple, au dialogue inter-burundais des personnes qui sont écartées par les résolutions du Conseil de sécurité. Alors nous espérons qu'il lira entre les lignes de la loi burundaise, il lira entre les lignes de ces résolutions des Nations Unies pour essayer de mener à bon port ce dialogue. Et pour la plateforme de l'opposition en exil, le CNRS estime que l'envoyé spécial de l'ONU a son propre cahier de charges qui devra le guider. Suivez Jérémy Ngendakoumana, porte-parole de cette coalition. Son Excellence Kafondo, qui est ancien président du Burkina Faso, connaît bien les réalités de la politique africaine. Il sait bien ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il sait bien ce qui s'est passé en Gambie, il sait bien ce qui s'est passé dans son propre pays, le Burkina Faso. Et nous pensons qu'avec toute cette expérience, il a suffisamment de matière à prodiguer en termes de conseils à Pierre Nkurunziza pour qu'il puisse se comporter en démocrate, pour qu'il puisse aller dans le sens de la paix au Burundi. Parmi ce que la présidence burundaise exige pour Okafando, il y a bien sûr le respect de la loi, il y a aussi d'éviter qu'il tombe dans la piège comme ses prédécesseurs. Notre avis est que Bujumbura n'a pas de leçon à donner à l'envoyé spécial des Nations Unies. Bujumbura n'a pas d'ordre d'instruction à lui donner. Son Excellence Kafondo vient avec un cahier de charge qui lui a été donné par le secrétaire général des Nations Unies. Donc, il doit se conformer à ce que lui demandent les Nations Unies et non à ce que lui demande Bujumbura. Isanganiro. À 13h03 dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons avec la page politique. Le politicien Tassian Sibomana considère la récente résolution adoptée par certains leaders des partis politiques comme un pas en arrière dans la recherche de la solution à la crise actuelle. Pour lui, il est inconcevable que les leaders de certains partis politiques aient adopté une résolution portant sur les points qui avaient été débattus dans la retraite de Kayanza avant même que le rapport final soit sorti. Selon Tassian Sibomana, cela prouve à suffisance qu'il y a manque de volonté d'organiser un dialogue inclusif vu que certains politiciens n'ont même pas été invités dans la deuxième réunion. Je vous prie de l'écouter. D'abord, je ne dirais pas de déception parce que on a senti que la retraite de Kayanza n'avait pas été dominée par le CNDD-FDD et ses acolytes. Parce qu'effectivement, ils avaient quatre objectifs. D'abord, ils auraient voulu qu'on rentre de Kayanza en ayant avalisé le principe de réviser la Constitution, ce qu'ils n'ont pas pu obtenir. Deuxième objectif, c'était d'arracher le principe du rapatriement du processus du dialogue inter-burundais d'Arusha. Et nous avons démontré à suffisance que les retraites qui devaient être organisées devaient être une contribution à apporter pour que le processus d'Arusha soit accéléré. Troisième objectif, c'était d'arracher la feuille de route des élections de 2020. On a suffisamment développé qu'on ne peut pas parler des élections de 2020 quand le contentieux électoral de 2020 est toujours pendant. Et enfin, ils auraient voulu qu'on signe qu'il y a la paix, qu'il n'y a pas de risque de génocide. On leur a rétorqué que n'est pas nécessaire de signer sur une déclaration. Si la paix et la sécurité règnent, les gens le ressentent. On n'a pas pu arracher des compromis. Mais, comme l'a dit l'ombudsman, ils n'attendaient pas à ce que les résultats soient atteints dans un premier temps, mais que le fait qu'ils puissent rallier tout le monde, c'était déjà le premier pas. Maintenant, on fait marche arrière, on exclut certains, et on invite rien que le CNDD-FDD. Tout ce que vous avez démontré à Kayanza, ça vient d'être adopté ici à Bujumbura. Voilà, c'est ce que je dis. S'ils ont décidé d'avancer cela, ok, ils n'ont qu'à avancer, mais demain, nous ne sommes pas sûrs s'ils ont avancé sur un terrain qui rassure les Burundais. Ce politicien trouve également que les institutions ont manqué de franche collaboration de voir le ministère de l'Intérieur organiser une réunion ayant les mêmes points à analyser que celle organisée par l'ombudsman burundais, que pour la deuxième réunion, certains politiciens n'ont pas été invités. Les éléments pour bâtir la société burundaise sur base d'une culture démocratique sont visibles, bien que des problèmes ne manquent pas. La déclaration est celle du vice-président du parti Sahwanya, Frodebu. Léon Sengendakumana cite entre autres le verrouillage de l'espace politique et les organisations de la société civile qui ne fonctionnent pas comme il faut. Mais des choses doivent changer selon Léon Sengendakumana. Le combat doit continuer pour trouver des solutions qui permettront aux Burundais de vivre dans la paix. Suivez. Les piliers de la démocratie sont là. Ce sont les partis politiques. Ils ne fonctionnent pas correctement, mais ils sont là. Ça repose aussi sur les organisations de la société civile. Les organisations de la société civile sont là. Peu importe comment elles fonctionnent. Le troisième pilier, ce sont les médias. Alors, les médias sont là, malgré quelques difficultés de fonctionnement. Le quatrième pilier, ce sont les élections. Tout ça, on en parle dans ce pays. Même ceux qui avaient contesté l'avenir de la démocratie. Donc, nous sommes en plein processus démocratique, mais les problèmes ne peuvent pas manquer. C'est notamment le fait que les partis sont là, mais ils ne fonctionnent pas. L'espace politique reste verrouillé. Les organisations de la société civile sont là, mais ils ne fonctionnent pas comme société civile. Regardez, il y a des médias qui restent fermés. C'est pour cette raison que nous devons négocier un accord qui rétablit l'espace de liberté publique, de liberté politique, que nous devons négocier le fonctionnement des partis politiques sans ingérence des pouvoirs publics, que nous devons négocier le fonctionnement des organisations de la société civile sans l'ingérence des pouvoirs publics, parce que maintenant il y a une partie de la société civile qui est proche du pouvoir, une autre partie de la société civile qui est proche de l'opposition. On le voit, on le fait, mais ce n'est pas permis. Nous devons continuer le combat. Nous, comme parti Sahwanya Frodebu, nous avons connu plusieurs épreuves. Un coup d'état contre les institutions élites en 1993, l'assassinat du président Ntaryamira au Rwanda, le renversement du président Ivan Ntaganya en 1996. Mais nous n'avons pas désespéré. Nous avons continué le combat. C'est cette expérience-là que nous voulons partager avec ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition pour chercher des solutions et des compromis équilibrés afin de permettre aux Burundais quand même de vivre en dehors de la peur, de vivre en sécurité et de cohabiter pacifiquement. Le vice-président du parti Sahwanya Frodebu s'exprimait ce jeudi lors des cérémonies de commémoration du mois dédié à la victoire de la démocratie au Burundi. Il était au micro de Francine Ndihokubwayo. Page sécurité sans transition, un surnommé Gisana Bagabo de Mutsinda en commune Songa de la province Bururi a été retrouvé ce jeudi matin dans la vallée séparant Rukina et Nyagitoukou. La police à Bururi et l'administrateur de Songa confirment l'information, indiquent qu'un OPG a été dépêché sur place pour enquêter sur les auteurs. Le mobile du meurtre de cet homme qui rentrait de Rukina. Quittons la province Bururi pour nous rendre en province Bubanza, c'est à l'ouest du Burundi, où 12 bergers sont détenus au cachot de police judiciaire de Gihanga depuis ce mercredi. Ils ont été attrapés par des militaires basés dans la réserve naturelle de la Rukoko et sont accusé d'y avoir conduit plus de 200 vaches. Le gouverneur de la province Bubanza précise que ces éleveurs propriétaires de ce troupeau doivent payer des amendes de divagation du bétail dans les aires protégées. Les détails avec Spes Caritas Kabanyana. Ces bergers avaient conduit leur troupeau autour de 200 vaches dans la réserve naturelle de la Rukoko à la recherche des pâturages. Et d'un coup, ils se sont retrouvés encerclés par les militaires basés dans cette réserve de la Rukoko. Ils ont pu capturer 12 bergers, les autres ont échappé et ont pris fuite. Ceux qui ont été attrapés ont été vite embarqués dans un pick-up militaire et conduits au cachot de police judiciaire à Gihanga au moment où l'amende administrative de divagation de bétail et de 5 000 à 10 000 francs par tête, zéro Léopold Ndayisaba, administrateur de la commune Gihanga, la divagation dans des aires protégées est beaucoup plus sanctionnée. Une vache attrapée dans une forêt protégée doit payer une amende variant entre 20 000 à 100 000 francs burundais par tête selon le code forestier. Une information recueillie auprès des responsables de l'OPBE, Office burundais pour la protection de l'environnement. Pescaritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Parlons santé à présent à 13h10 dans le studio de la radio Isanganiro. 36 employés de différents districts sanitaires ne sont plus autorisés de prester. Cette mesure a été prise par le ministère de la Santé publique et de lutte contre le VIH-Sida selon un document du ministère de la Santé publique. Leurs prestations ont été suspendues pour détention de faux diplômes. Ils ne sont plus autorisés de travailler dans les structures de soins tant publiques que privées. Ils nous ont dit Pascal Nyehunz. Dans une correspondance adressée aux directeurs provinciaux de santé, la ministre Josiane Nijimbere leur a recommandé de suspendre la prestation de ses 36 employés dès la réception de cette lettre accompagnée de leur liste en annexe. Les employés concernés sont de deux catégories. L'une des listes contient des personnes dont le caractère frauduleux de leur diplôme a été confirmé par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La deuxième liste portant des noms des personnes détentrices de faux diplômes, mais qui n'ont pas encore apporté les documents leur demandés. La ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida affirme avoir mené des investigations pour chaque cas en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Parmi les 36 employés concernés par l'interdiction de prestations de soins pour détention de faux diplômes, 4 sont du district sanitaire de Matana, 1 de Changuzo, 3 de Chibitoke, 2 du district sanitaire de Mabayi, 9 du district sanitaire de Isare, 2 de Guibaga, 3 de Kabezi, 5 de Rumonge, 1 du district sanitaire de Manda, 1 de Gihofi, 4 de Bururi et enfin 1 du district sanitaire de Nyanzalake. Dans cette correspondance, la ministre Josiane Nijimbere demande aux directeurs provinciaux de lui faire parvenir le rapport de la mise en œuvre de cette instruction dans un délai ne dépassant pas une semaine depuis le 27 de ce mois de juin. Parlant toujours de faux documents, le ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi porte à la connaissance du public en général et des fonctionnaires et agents civils de l'État en particulier, qu'il a constaté dans ces jours qu'il y a des fonctionnaires qui sont trompés par des fraudeurs de faux documents administratifs pour réclamer au nom de ces fonctionnaires des primes de fonction pour certains postes de responsabilité. Pour cela, le ministère de la fonction publique appelle tous les fonctionnaires qui auraient déjà perçu des montants indûment liés à certaines primes à se présenter au ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, ancien building des finances, bureau numéro 213, pour s'informer des modalités de remboursement, à défaut de quoi des mesures contraignantes et des sanctions sévères seront prises à leur endroit. Cette mesure de grâce va jusqu'au 15 juillet 2017. Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel. Page agriculture de ce journal. Les agriculteurs burundais qui sont en dessous de 1% utilisent des semences non sélectionnées qui ne donnent qu'une faible production, raison pour laquelle le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage vient de mettre en place un programme national de subvention des semences sélectionnées afin d'augmenter la production. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage l'a dit ce mercredi lors d'une réunion d'échange entre les cadres de son ministère et les partenaires qui interviennent dans ce secteur. Le ministre Deogi de Rurema appelle ses partenaires à appuyer ce programme qui va coûter plus de 20 milliards de francs burundais. Les détails avec Évariste Nzikobanyanga. La principale raison qui a poussé le gouvernement du Burundi a adopté ce programme de subvention des semences et que la plupart d'agriculteurs burundais se rabattent à des semences non sélectionnées avec une faible production agricole comme conséquence, occasion pour laquelle le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage compte travailler en synergie avec les partenaires pour qu'au moins 30% des bénéficiaires soient subventionnés, indique le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Nous avons pu montrer que nous sommes à un niveau d'au moins de 1% de la population qui utilise des semences améliorées. Et le constat sur le terrain, quand nous nous rendons souvent sur le terrain pour évaluer l'état d'avancement des interventions du gouvernement et des partenaires, nous remarquons qu'il y a des interventions, des actions isolées. Et aujourd'hui alors, nous avons voulu faire la bonne coordination pour qu'on fasse une synergie afin d'utiliser des semences sélectionnées d'une manière harmonisée et de manière collaborative. Et c'est ça que nous allons utiliser pour que la population puisse réellement voir le bienfait de ce programme de subvention des semences. Les agriculteurs burundais bénéficiaient jadis des semences données gratuitement par les partenaires, mais avec ce nouveau programme de subvention des semences sélectionnées, ils devront donner une contribution de 60%, explique le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Mais pour la pérennité et la durabilité de ce programme, nous sommes en train de nous organiser pour que la population puisse payer 60%. Le gouvernement et les partenaires vont subventionner jusqu'à un niveau de 40%, et c'est ça qui va assurer la pérennité et la durabilité de ce programme au niveau de la population. Aujourd'hui, nous allons faire l'état des lieux et voir qu'est-ce que nous avons pour à court terme et qu'est-ce que nous allons faire. À moyen terme, nous allons alors demander à ce que nos interventions soient harmonisées pour qu'il y ait la même compréhension au niveau de l'utilisation des semences sélectionnées, améliorées. Et c'est ça qui va éviter le désordre de donner des semences qui ne sont pas bien contrôlées au niveau de la population. Dans une réunion avec les bailleurs qui interviennent dans le secteur agricole ce mercredi, le ministre Deogui Derulema a annoncé que le gouvernement n'a prévu que 2 milliards sur plus de 20 milliards que nécessite ce programme de subvention des semences et demande aux partenaires du Burundi d'aider pour sa mise en application. La période prévue pour ce programme est de 10 ans et la première campagne commencera par la culture de la pomme de terre et le haricot pour la saison culturelle B en 2018. Je vous le disais en titre, l'organisation Olicom demande l'arrêt de l'octroi du marché à la société Bicico pour la salubrité en mairie de Bujumbura en vue de suivre la procédure normale de l'octroi des marchés. Dans une correspondance adressée au ministre burundais de l'Intérieur ce mercredi, le président de l'Olicom demande à ce ministère et à la mairie de penser aux 18 sociétés qui étaient chargées de cette tâche qui n'ont pas reçu de mise en demeure. Gabriel Ufiri considère que ce marché doit comprendre une compétition et organiser par les communes. Suivez-le, il a été joint au téléphone par Alain Désiré Ukenez. L'Olicom a adressé une correspondance au ministre de l'Intérieur dans le but de lui expliquer nos inquiétudes par rapport à la nouvelle société. D'abord, le retrait de son marché à 18 sociétés qui faisaient le travail de la salubrité à mairie de Bujumbura a été fait dans l'illégalité totale parce qu'il n'y a pas eu de mise en demeure. Deuxièmement, ces 18 sociétés, normalement, le faisaient bien parce que ces sociétés n'ont pas eu aucune injonction de la part de l'administration, que ce soit au niveau communal ou au niveau municipal. C'est la raison pour laquelle l'Olicom voit une main derrière ce retrait, surtout qu'il est vraiment anormal de voir qu'un travail qui était fait par 18 sociétés va être fait par une seule société. Donc, on doute vraiment des résultats palpables. Je voudrais aussi dire que ces sociétés, quand même, ils ont investi. Ils ont des crédits dans les banques, mais aussi ils ont des employés. Le personnel va être mis dans la rue avec le taux de chômage que vous connaissez qui se trouve ici dans notre pays. La deuxième chose pour ce marché, c'est que d'abord, c'est un marché coûteux qui va demander beaucoup à la population, surtout les citoyens de la municipalité de Bujumbura. Raison pour laquelle l'Olicom demande avec insistance au ministre de l'Intérieur de privilégier des sociétés moins chères qui ne demandent pas beaucoup à la population. Si vous demandez l'arrêt de l'octroi de ce marché, quelle est votre proposition au niveau de l'Olicom? Nous proposons à ce que d'abord ce marché soit arrêté, d'une part, mais d'autre part, dans le but de faire suivre les procédures normales d'octroi des marchés publics. Gabriel Roussiri, président de l'Olicom. Point final donc à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Aimé Toussaint Mitewuti qui vient de prendre la relève. Et merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.